le club de la bonne musique. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Un public trié sur le volet. Des animateurs capables de vous entraîner jusqu'au bout de la nuit. Allez, on y va, le club, laissez parler vos envies. Exactement, laissez parler vos envies, c'est le club que vous retrouvez en compagnie de Bretto. Ouais. Une première partie enflammée, ouais. Bretto, co-animateur vedette du club. Je vous le rappelle, oui. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, le club, l'émission la plus VIP de la bande FM, également en compagnie de Julien. Mais Julien, on t'entend pas bien. Je t'assure qu'on t'entend pas bien. Allez, marche pas, hein, tu l'allumes, allume-le tout simplement peut-être. Et peut mettre le micro sur on. Voilà, tout à fait, après ça va marcher beaucoup mieux. Vas-y. Bonsoir. Julien. Ah bah voilà, on t'entend, bravo. Oh. C'est qui avait éteint le micro? Eh ben, bah, c'était des petits plaisantins pour faire des canulars tout simplement à vos animateurs préférés du club, à savoir Bretto, Julien et Jack. Et Jack. Oh, tonnerre d'applaudissements pour Jack. Le tonnerre est énorme, merci. Mais où sont les applaudissements? Mais de rien. Hein, il s'était caché. On va commencer l'émission avec un sommaire de folie pour cette première partie. À savoir, Julien, quel est le sommaire du jour? Oui, alors le sommaire, tout d'abord, le bêtisier de la semaine passée, bien entendu. Ah oui. Puis le journal des insolites. Ah oui. Oui. Le site internet du jour. Ah oui. La spéciale signée. Oh oui. Et la surprise proche de l'orgasme. Oh oui. C'est moi qui m'attends. Ah c'est bon ça comme programme, hein. Quand on entend des programmes comme ça, on n'a qu'une envie, mais c'est d'écouter la radio jusqu'au bout. Et vous auriez jusqu'au tort. Jusqu'au bout de la nuit. Vous auriez tort de ne pas le faire. C'est un choix musical qu'on aime bien dans l'émission. Il s'agit du groupe Daft Punk avec un petit retour en arrière. Dans l'album, Bretto ? Homework. Homework, tout simplement. Et on vous passe Rolling and Stretching. Ah, il y a eu tout un choix pour se décider sur cette chanson. Bon. Allez. Le club, l'émission la plus VIP de la bande FM. VIP de la bande FM. VIP, ça veut dire que tu l'écoutes ni en charentaise, ni en pyjama. Ok ? Merci. We'll be right back. Un bon vieux tube Daft Punk, évidemment, avec Rolling on Stretching. On le prononce comme ça. Quel accent ? Rolling on Stretching. Tout simplement sur votre radio préférée, le club, qui passe évidemment les musiques que vous n'entendez plus nulle part ailleurs. On aime bien, ça on aime bien. Un choix évidemment apporté par notre ami Bretto, ouais. Le roi de l'électro. Bah oui. Précurseur dans le domaine. Voilà. Daft Punk. Merci les Daft Punk. On vous retrouvera. Julien, qu'est-ce qu'on va retrouver d'ici quelques instants ? Le bêtisier. On va rigoler. On va rigoler. Qui dit bêtisier dit humour. Bretto dit Bretto aussi. Ah oui ! C'est un spécial. Alors aujourd'hui, Bretto, c'est un bêtisier spécial Bretto. Non. Eh si. Au secours. Parce qu'on s'était moqué. Faut dire qu'il y a de la matière quand même. On s'était moqué de toi. Toi là. On s'était moqué de toi la semaine dernière. On avait dit Bretto, il fait plein d'erreurs, il y a des problèmes de lecture. Je me suis amusé à le compiler. C'est vraiment pour le plaisir des oreilles. Le bêtisier spécial Bretto pour commencer l'émission avec le sourire. À mon avis, là, je pense que Bretto déjà va rigoler. Et si chez vous vous rigolez pas avec ça, dis donc, c'est pas gagné pour la soirée et pour l'émission surtout. Attention Bretto, tu es prêt ? Bah ouais. 2 minutes 30 de fou rire avec toi. J'espère que je l'ai pas oublié, hein. Oui, si. Ah, il est là, parfait. C'est bon, on va le caler. Attention, c'est con, hein. Le bêtisier spécial Bretto, c'est parti sur l'antenne. Bonjour, bienvenue dans le best-of avec aujourd'hui une spéciale Bretto et sa fameuse Brettotti. Alors qu'est-ce que la Brettotti ? Bien, c'est une forme de bafouillage en direct dont seul Bretto a le secret. Vous allez voir, c'est particulièrement efficace. Ariane, un séminaire soudain fini va prendre sa retraite à contre-cœur après avoir exercé pendant 28 ans le métier d'instituteur dans le nord du pays. Bah, le nord de l'Arabie Saoudite, quoi. Mm-hmm. Rapport dimanche, le journal Ocase. Bon, bah. Je vous rends pas grand. Franchement, là, tu l'as pas répété, celle-là. Une deuxième fois encore. Ariane, un séminaire saoudien fini va prendre sa retraite à rapport dimanche, le journal Ocase. Allez, sans rancune, Bretto. De toute façon, on va te retrouver maintenant dans un autre exercice qui est l'articulation. Parce qu'on s'était dit, Bretto, il a beaucoup de talent. S'il articule un minimum, eh ben, il s'en sortira un maximum. Vous allez voir, l'articulation, il s'en sort pas trop mal. Cours d'articulation direct. 2, 1, top. Vas-y, monte exemple. Donnez-lui à minuit 8 fruits cuits. Et si c'est 8 fruits cuits, lui nuit, donnez-lui 8 fruits crus. Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à l'exquis. Voici six chasseurs se séchant, sachant chasser sans chien. Je suis chez ce cher Serge de Aikon. Ouais. Le chasseur. le chasseur Sacha, sachant chasser sans je chasse, sans changer son chien. Cherche son siège. Mais c'est quoi ce bordel? Ce siège, c'est son chercheur. Alors c'est... Non mais franchement, l'articulation, c'est pas facile. Allez, pour en finir avec la Brettotti, eh bien, je vous propose la rubrique de Bretto qui était consacrée aux jeux vidéo. Il l'a réussi de façon magnifique. Jamais un animateur n'a parlé aussi vite. N'en parole, jamais. Et en fait, en haut de la falaise, ce qui surplombe la forêt, cette fameuse vache chemin de fer, il y a un homme. Et ça, c'est toute l'histoire de... Un homme ? Oui, toute l'histoire de Resident Evil va en fait tourner autour de cet homme qui est habillé de blanc. Qui en fait, on peut dire, c'est un zombie vivant, sans putréfaction, rien, mais exactement pareil. C'est pas un vrai zombie. Ah non, c'est un homme vraiment, mais on dirait que c'est un zombie rien que par cette expression. Un zombie quoi. Vivant. Mais non. Et non, c'est donc un mort vivant. ouais, mais non, mais on dirait vraiment que rien qu'à ses yeux, c'est ça quoi. Et ouais. En fait, il chante et il attire sur le train des petites bestioles, des sortes de petites sangsues. Il chante quoi? Un chant extrêmement bizarre. Vas-y. Ah non, je peux pas. D'accord. Faudra que je rejoue pour vous le faire la c'est prochaine le jeu, fois. Hein. Alors pour Bretto quand même. Il est vraiment phénoménal. Ah Bretto, tu le méritais ce phénoménal parce que franchement tu nous as fait un bêtisier de folie Bretto. Merci à toi. Et comme c'est un animateur accompli, c'est un animateur accompli, Bretto, tu ne trouves pas, Julien ? Oui, accompli, on sait pas dans quoi. Accompli, c'est le seul animateur à décrocher son portable en direct. Il est vraiment... Allons, on revient encore une fois et à se barrer de l'émission. Ça, c'est beau, quoi. Un petit commentaire, Bretto ? Il est vraiment... Ça, c'est bon. Il est vraiment phénoménal. Juste le jour de son hommage en plus. Juste le jour de son hommage, il décroche du micro, mais que lui arrive-t-il ? Je crois que ça mériterait qu'on repasse. Une Bretto aussi ! Allez Bretto, t'as été excellent en tout cas, et c'est ça, et puisqu'on aime bien se moquer des gens dans l'émission, mais un jour ça peut être nous, un jour ça peut être toi Bretto. Aujourd'hui c'était la Bretotti ! Ah bah non, mais on aime bien. Peut-être la Giacotti, on ne sait pas. La Giacotti, il y en a, il y a des conneries. De toute façon, je les recense dans l'émission, hein. Vous inquiétez pas, il y a des best-of qui se préparent. Et le super best-of de l'année, ça sera énorme. Ah, le super best-of. Oh les conneries. Bon, on enchaîne avec la suite, Shine at When, pour la musique. Let's go. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can have you for life. Yeah. I know I sound serious, baby, I am. You're a fine piece of real estate, and I'm gonna get me some land. Ah bah on est dans le club, tout simplement. L'émission à succès, toujours présentée en direct d'une main de maître par Bretto oui. Et par Julien. Et par Jack, bien entendu. Et bien sûr, faut pas oublier le technicien. Eh, quand même, Alors, dans l'émission, il va y avoir quoi d'ici quelques instants, juste après une musique? Les insolites. Ouais, les insolites. Bretto toujours au taquet. Ouais, toujours. Bretto est au taquet pour les insolites. Ça s'annonce bien, les insolites? Ça s'annonce. On en a trouvé des sympas, j'espère. Oh oui, on va pas tout dévoiler là, mais bon. Ça va être quelque chose. Saloma de Bahia, Outra Lugar, comme vous voulez. Juste après le Brésil, bah, on retrouve les insolites justement. Il aime bien ça. Allez, c'est parti. En plus, j'attends en face. On vous offre un soleil de rêve. Et tiens, pur en place, c'est vrai. Ah, oulala. Salomé de Bahia. Et oui, c'est comme ça que ça finit. Salomé de Bahia, le son du Brésil. Rien que pour vous dans votre radio. Toujours en compagnie de Bretto et de Julien. C'est important. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Alors on va attaquer avec les insolites. J'entends plus rien dans mon casque. C'est pas grave. On va attaquer avec les insolites. Et les insolites juste après le petit jingle introductif des insolites. Wow. Les insolites, avec aujourd'hui deux insolites du jour, et c'est notre ami Julien qui s'y colle. Oui, tout à fait. Donc on commence tout d'abord avec un bien curieux randonneur. Alors là, on pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça, bien curieux randonneur, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Donc c'est un randonneur de 44 ans qui a choisi de traverser l'Angleterre à pied, ce qui est logique pour un randonneur. Oui, c'est vrai. C'est bien. Oui, en voiture aussi. Rigole, c'est normal, un randonneur est à pied. Bah oui, en voiture aussi. Ce qui est plus curieux, c'est qu'il l'a traversé entièrement à poil. Nu. Bravo Bretto, c'était toi. Bravo, ouais. C'est son. Cécile l'a traversé nu. C'est son père. Il a marché plus de 1450 km sans aucun vêtement. Waouh. Et quand même, hein. Ah ouais. Ouais. Et il bouffait des vers de terre. Même pas des chaussettes. Mr. Guff, c'est son nom, a mis 7 mois pour réaliser son exploit. Il a subi de nombreuses arrestations et 2 peines de prison qu'il a purgées. D'ailleurs, il n'y a pas que les peines qu'il a purgées, apparemment. Pour réaliser son pari, traverser la Grande-Bretagne à pied et dans le plus simple appareil. Il aura donc parcouru environ 1450 km, équipé uniquement de chaussettes et de chaussures de montagne, d'un chapeau en toile, d'un sac de randonnée et d'une montre. Il est parti en juin et est arrivé en janvier. Sur la fin, il devait un peu se les geler. Ouais, c'est vrai, non, t'as raison, il devait avoir froid parce qu'il est arrivé en janvier quand même. Il devait avoir le berlingot tout petit. À moitié dans la neige, tout nu, un homme arrivant à Londres, tout nu dans la neige, pour tout simplement commémorer, je ne sais pas, non, l'anniversaire de la reine, c'était en août ou en juillet, je sais plus, même en juin, je crois. Hein. Il est parti pour l'anniversaire, apparemment. C'est possible. Et il est revenu, alors, 6 mois après, comme un ver de terre, tout nu, entièrement nu, c'est incroyable, hein. Ouais. Ça te laisse rêveur, c'est... apparemment, se rendre tout non. Nu. Non, non. D'ailleurs, Bretto commence à se déshabiller. Calme-toi. C'est cela, oui, c'est cela. La deuxième news, une news intéressante, hein. Attention, une news politique. Il faut un petit son. Ah ouais, bah attends. Oui. on va envoyer la news et nous, on a le son. Hein. Donc, le son. Howard Dean, candidat à l'élection présidentielle de 2004 aux États-Unis, s'est humilié sans le faire exprès au cours d'un de ses discours. Comment ça se fait ? Comment il s'est humilié Alors, il était en train d'énumérer la liste des États dont il espérait un ralliement à sa candidature. Il y avait entre autres la Caroline du Sud, l'Oklahoma, l'Arizona, le Dakota, et à la fin de sa liste, Howard Dean était tellement euphorique qu'il a fini son discours par un grand... Yeah ! Il était là, la Caroline du Nord avec nous ! Yeah ! Le Dakota du Sud ! Yeah ! Le Tennessee ! Yeah ! Et puis, bizarrement, tous les journalistes se sont moqués de lui, alors je comprends pas. Pourtant, il était comme une rockstar des années rockstar. Des années Elvis, ouais. Donc bah, ça l'a fait quand même moyen auprès des médias américains qui attendaient un peu de sérieux d'un possible futur président des États-Unis. Bah oui. Quoique Schwarzenegger l'a fait. Schwarzenegger l'a fait, ça a marché. Ah. Mais Howard Dean apparemment. Il a un bon coup de balai. Yeah. C'est vrai. Pour ceux qui regardent les vignoles. Ouais. Howard Dean s'est entré à l'exercice. Donc c'est un candidat peut-être président. Peut-être alors qu'il est futur président, Howard Dean. Et c'est clair que lui s'est lancé au yeah et les médias se sont moqués de lui parce que Howard Dean il est pas non plus, il est en costard cravate avec les cheveux un petit peu comme ça plaqués façon présidentiable. Mais aussi c'est un ancien militaire, c'est un peu normal. Et la tronche de premier de la classe. Attention, les journalistes et les DJ du monde entier se sont amusés à faire un remix avec son yeah. Vous voulez l'entendre ? Allez. 1 minute 02, effectivement. Allez. C'est un yeah qui faisait très peur, écoutez bien. Alors évidemment, une campagne présidentielle comme ça, on en avait rarement vu aux États-Unis. S'il gagne pas, au moins il aura fait un tube. Voilà, c'était les insolites du jour présentés par Julien en direct du club. Bonsoir, ça nous a fait bien plaisir en tout cas toutes ces insolites, hein. Allez, pour la musique, off, j'avais envie de... Allez, non, non, allez, j'avais envie de vous faire plaisir. On le passe peut-être 450 fois dans l'émission. Mais bon, un petit frump, ça vous le dit ou pas? Je croyais que tu devais nous faire plaisir. Oh, ça va, hein. Je vais vous le passer pour vous, auditeurs, qui appréciez Alphonse Blanc, hein. Peut-être qu'on n'en entendra plus jamais parler. Ah, quand même, c'était quand même un grand de la musique, Alphonse Blanc. C'était pas son nouveau tube? Si. Représente le Havre avec mon compris, je suis frais comme les fruits de mer. Tu sais c'est qui James Brown? Mon père. Avec ma cuisine au beurre, Black Plumber, mon style fait peur. Les filles en sont folles, les DJ en raffolent. Tous attendent l'album d'Alphonse Brown. J'ai la soul pour les sisters, le freeze pour les ministers. Et quand je débarque en Normandie, c'est le twister. Alphonse c'est moi, mono c'est Brown. Hardcore comme le nom Underground. Et cousine, chine, sex machine. Ramène tes copines, je recasse le jean. Push the funk, get up, stand up, push the funk, get up, stand up, push the funk, get up, stand up, push the funk. Un jour j'irai à New York ou en Amérique, devenir une resta, tout comme River Street. J'aurai plus d'étoiles sur Hollywood Boulevard que Joël Robuchon en Michelin, ski de Toka. T'as du style. Ouais, c'est vrai. Mais tu t'habilles. Comment tu sais? Mais bon, me cartonne. Ma moustache frissonne, les filles me klaxonnent. Si ma musique est bonne, Normandie, Californie, même combat. Le Havre, le Bronx, je suis chez moi. Je fais des jaloux, je fais des envieux. Je fais même des héros à la sauce bleue. Mon nom c'est Brown, prénom Alphonse. Représente le truc qui bite made in France. Et cousin, quand je balance l'hystérie, ramène pas ta femme, elle me kiffe, je le dis. Get up, stand up, push the funk up. Get up, stand up, push the funk up. Get up, stand up, push the funk up. Le club, il est tellement select que personne n'y rentre. C'est moi, je peux rentrer. Je suis le patron, je peux rentrer. Désolé, on a des consignes. Ok, cool, ah bah c'est pas sympa. Hein. Le club, en tout cas, vous êtes invités, vous, les auditeurs, parce que non, nous, on vous accueille grand ouvert, les bras grands ouverts. Allez, les bras grands ouverts, vous pouvez venir vous abriter. Grands ouverts. Sous nos bonnes ondes de la radio du club. Et puis, comme on est vraiment gentil, on vous propose la suite du programme avec Julien qui a le fil conducteur de cette émission. Oui, tout à fait. Donc, on retrouve tout de suite le site internet du jour. Oh, avec malheureux Breton. Pas tout de suite. Ah bon? Ah non, il faut mettre une chanson avant. Ah ouais. Ah bon? Par contre, on a le droit de leur proposer un petit peu le contenu du site. Alors le teasing, comme on appelle ça à la radio. Le petit teasing, ouais. Donc on va parler de la patate. Ouais, de la patate, ouais. Mais comme la rubrique est tellement courte, je crois qu'on peut pas dire beaucoup plus à propos du site internet. On vous parlait patate, effectivement. Alors faudra rester. Et qui c'est qui s'y colle pour vous parler patate? Ben, c'est moi. Eh oui, c'est Bretto. Ouais, ouais. Ah non, mais vraiment là, franchement. Ouais, qui a la patate et la frite, ouais. Tu as choisi ta rubrique. Super. Il est vraiment phénoménal. Les bonnes petites musiques des clubs de foot le dimanche après-midi quand ils ont gagné. Hein, Bretto? Allez, retour en musique. Allez, Brest! Eh, mais oui! Allez, l'OM! Allez, Guingamp! Stade Brestois! Stade Lyonnais! Jay-Z à l'instant sur l'antenne du club, avec évidemment le titre Crazy in Love, Beyoncé, effectivement. On va enchaîner avec la suite, et Julien, c'est l'heure. This is the time. C'est l'heure de la... De la... Bretotti. Wouh! non. Il est vraiment phénoménal. Il va nous faire la prochaine rubrique, qui est la rubrique site internet. Tu vois, j'étais tellement pris dans le site internet que je ne t'ai pas calé la petite musique de fond. J'étais tellement pris dans l'ambiance. Dommage. Tu es prêt à nous faire la petite rubrique site internet. Alors, prépare-toi. C'est tout ce que je peux te dire. Prépare-toi, c'est parce que ça va être à toi d'ici quelques secondes. Et si je réussis, vous l'aurez dans le baba. C'est dans le baba. Et oui, t'as raison, ça. Et mais on aime bien quand tu réussis en même temps, parce que finalement, ça montre que tu progresses un petit peu quand même. Ouais, puis s'il n'était pas là, le club aurait quand même une autre saveur, un peu moins pimentée. Donc attention, en direct live, messieurs dames, il va nous parler de ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire les ordinateurs et l'internet. Notre ami Bretto avec la rubrique site internet qui suit juste après ceci, qui est un jingle transition. Et Bretto, de quoi vas-tu nous parler? De quel site aujourd'hui vas-tu nous parler? D'un site qui redonne la forme, l'énergie et le dynamisme. Le quoi? Le quoi? Le dynamisme. Un site qui donne la forme et le dynamisme. Mais quel est-il, ce site? En un mot, la patate. C'est un site qui vous redonne la pêche, la patate. C'est un site consacré à la patate, à la pomme de terre pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Lapatate.com. C'est très simple et très amusant. Dès la première page, il y a un petit clip qui nous présente l'histoire d'une petite patate. Oh, une petite patate. Ouais, qui trace la rue et... Quoi? Tu as compris là, Julien? Non. Bon, allez, une petite blague, on achète une petite blague. Hein. Non, mais c'est quoi alors le site de lapatate.com? En fait, c'est l'histoire d'une petite patate. Oui. On savait qu'il était dur d'être un bébé. Oui, c'est vrai. On apprend qu'à travers le clip du site, qu'il est dur d'être une patate. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est pas évident d'être une patate. La chanson permet de se lancer dans le karaoké. Pour ce que je l'ai fait. Vas-y, chante. Pour une patate, le test du premier couplet commence par. Je connais pas l'air donc. C'est pas grave, hein. Tu vas faire sans l'air. Non, parce que ça va être trop pourri. Alors les paroles de ce site internet. Parce que c'est un site internet, faut le dire, où il y a qu'une seule chose, c'est un clip. De nos jours, la vie est dure. Ah ouais. De nos jours, la vie est dure. Quand on est une petite patate, c'est qu'on vrai. Soit mûr ou pas mûr, il vaut mieux se tenir sur ses pattes. Voilà. Il faut aller sur le site pour avoir la suite. Alors le site c'est lapatate.com. Vous allez dessus, vous avez 7 chansons. Il y a waf waf waf avant quand même. Et vous, oui, www.lapatate.com. Et vous avez la chanson qui suit. Sachant que vous avez l'option karaoké sur ce site. C'est un des premiers sites de karaoké qui nous propose en direct live, avec une bonne connexion, un bon débit, la possibilité de chanter sur 7 chansons, qui va bien sûr vous redonner le moral. Et en un mot, la patate. Ah, ça fait plaisir tout de suite. Ça fait plaisir. De nos jours, la vie est dure. Quand on est une petite patate, qu'on soit mûr ou pas mûr, faut bien se tenir sur ses pattes. Ouais. Alors, mon petit gars, si t'es une petite patate comme moi, écoute bien ses paroles. Ouais. Si tu veux pas finir à la casserole, ouais. Moi, je me débrouille comme je peux. Le tout c'est d'éviter la chaussée. Je sais. Parce qu'une voiture a des pneus. Évitons donc de se faire écraser. Au point. Alors mon petit gars, si t'es une petite patate comme moi, bah ouais. Je te conseille de courir vite. Si tu veux pas finir taillé en frites. Ouais, j'adore le solo de patate là, écoutez. J'espère que vous êtes retrouvés parmi ces patates. Donc voilà pourquoi Internet a été créé, pour faire des sites en l'hommage à la patate. Vous connaissez l'histoire de Spwitch la banane? Non, la patate. Spwitch la patate. Non. Et une patate, elle traverse la voie express et Spwitch la patate. Ah non, je connaissais pas. Et j'en ai une petite autre dans le genre aussi. Attendez, c'est... on conclut le site internet, lapatate.com, www.lapatate.com, et juste derrière, donc allez sur le site, hein, vous verrez en karaoké ce générique, la patate pour avoir la pêche. Et juste après, vous allez avoir le droit à une blague de Bretto, juste après ceci. C'était la rubrique site internet présentée par Bretto. Ouais, ouais. À plus tard. Voilà, alors la petite blague, elle est vite fait, bien en fait, c'est deux petites patates qui se prennent dans la rue, ouais. Puis elles traversent, et puis il y en a une qui fait écraser, et puis l'autre dit « Oh purée !» Oh super, bravo, j'ai plus la musique de Phénoménal, mais celle-là, elle est bonne, hein. Comme une bonne petite patate. Singila, c'est trop, dans la radio, et puis juste après, on se retrouve avec l'intrusion, Jean-Pierre Marielle, enfin tout ça. Moi je suis un mec fidèle, tu es la seule à qui je pense. Quelquefois je rentre car c'est juste un manque de chance. Je peux être avec mes potes, t'appelles pas les urgences. Dès que je me sape avec un peu d'élégance, tu te mets à douter de moi, empêches-tu les conséquences. Tu sais que je dois te faire une confidence. Je ne supporte plus ni ta voix, ni ton impertinence. Vous êtes dans le club. Eh oui, vous êtes dans le club, ça vous le savez pas. Oui. Et wesh, c'est arrivé. Pour ceux qui nous retrouvent en compagnie de Bretto qui fait le wesh et de Julien qui fait le wash. Non, il a décidé de. Bah, de Jack qui fait le wish alors. Ridicule, hein. Ridicule, Bretto, cette intervention micro, ridicule. Non, c'était bien. Oh, allez. Ouh, c'est nul. Il est déçu à ses yeux quand je dis c'est pas bien alors qu'on n'y pense pas une seule seconde. Tu vois, on te fait beaucoup de boutades sur toi, on s'amuse. Ouais, mais ma vie a été parsemée de changements de choses. Donc... Ah, d'accord. Ok. Alors, on va. Il n'y a pas de rôle. Ah non, il n'y a pas de rôle là tout d'un coup. Oui, mais. On va enchaîner. C'est chiant, hein. On va enchaîner avec le film. Parce que. Je vais me venger, Nous avons dans l'émission une partie à cinéma. Une partie cinéma. Ah bon? Ouais. La rubrique cinéma. La rubrique cinéma avec aujourd'hui Jean-Pierre Mariel, acteur fétiche de toute la génération, acteur français évidemment. Alors Jean-Pierre Mariel, je vous en parlais très rapidement. Qui c'est? Il est né le 12 avril 1932 à Dijon. Le 12 avril 1932 à Dijon. Jean-Pierre Mariel rentre au conservatoire où il obtient le deuxième prix de comédie. Il aura bien mérité le premier, mais il a choisi le deuxième. D'ailleurs, il aura beaucoup de second rôle. Il débute comme stagiaire au théâtre français. Il joue sur des petites scènes. Et en 1957, Jean-Pierre Mariel joue pour la première fois « Tous peuvent me tuer », un film du réalisateur Henri Decoin. Puis il tente sa chance au cabaret aux côtés de Guy Bedos, le fameux comique Guy Bedos. Mais il retourne bien vite au théâtre. Et en 2000, vous avez pu voir Jean-Pierre interpréter son propre rôle dans le film de Bertrand Blier, « Les acteurs ». Un film qui n'a pas eu un énorme succès, mais bon, il avait un rôle de premier plan, Jean-Pierre Mariel. En 2003, il tourne La Petite Lily, film en compétition au 56e Festival de Cannes en 2003. Dans sa filmographie, on retrouve en 1991 Tous les matins du monde de Corneau, en 86 Tenue de soirée de Bertrand Blier. En 1983, Signe extérieur de richesse avec Josiane Balasco et Pierre Brasseur. 1973, Comment réussir quand on est con et pleurnichard. Alors un rôle qu'il a beaucoup aimé jouer. Et puis également, en tout et pour tout, on le retrouvera dans plus d'une centaine de films, 100 films pour Jean-Pierre Mariel. C'est beaucoup. Qui est un des monuments du cinéma français et l'une des plus grosses voix de ce même cinéma français. On va jouer... Écoute mon petit. Et c'est un peu ça, Jean-Pierre il est comme ça, Jean-Pierre... Faut pas le chercher, Jean-Pierre c'est le bon français, c'est un petit peu le... Ouais, c'est le bon franchouillard quoi. C'est un petit peu le beauf, il a eu beaucoup de rôles de beauf, mais il excellait à la perfection, c'est peut-être un de nos meilleurs acteurs français dans la spécialité et le beauf. Est-ce que c'est sa spécialité le beauf? On va faire un quiz spécial Mariel, donc vous allez pouvoir jouer chez vous. Je vais vous citer des titres de films, il faut me dire Mariel ou Not Mariel, d'accord? Ok, vas-y. On va donc mettre la musique de nos quiz parce qu'on a une musique de quiz maintenant, faut le dire. À la radio, on a été équipé quand même. Il y a des moyens. On a investi beaucoup dans l'émission du club. Tout ça pour vous permettre d'avoir une qualité sonore évidemment proche de la perfection. Spécial quiz, spécial Mariel, pas Mariel. J'espère que chez vous, vous êtes calé en Jean-Pierre Mariel parce que ça va aller très vite. Attention, en 1964. Bah, je mets la musique du quiz, comme j'ai dit qu'il y avait une musique, et puis je commence sans musique, mais quel bêta. Oula, c'est nul. 1964, Relaxe-toi, chérie, de Boyer. Marielle, pas Marielle. Pas Marielle. Attention. Je sais pas. Bretto. Je sais pas. Mais il savait pas non plus, hein. Wrong. C'était Marielle, donc en 1964, Relaxe-toi, chérie. Ça fait un peu de film de cul, ça. Voyez, et ben on verra que c'est pas le seul titre de film un petit peu comme ça de Jean-Pierre Mariel. Deuxième quiz. 1993, ma saison préférée de André Téchinet. Marielle ou pas Marielle? Pas Marielle. Bon, allez, Marielle. Eh bien, Julien, finalement, tu es dans l'erreur. Et c'est Bretto qui avait raison. C'est du... Auteuil, c'est pas du Mariel, donc on continue le quiz Mariel, pas Mariel chez vous, j'espère que vous avez bien sûr 100% de bonnes réponses. 1972, attention, le film s'appelle Sex Shop, Mariel, pas Mariel. Ah ça, vu que c'est un bon franchouillard, je vais dire Mariel quand même. Ouais, Mariel. Mariel, Sex Shop, attention. Trinity. Ouais, c'est du Mariel tout ça. Alors, on attaque toujours en 2002. Est-ce que en 2002, Jean-Pierre a tourné dans Les Jeunes Novices? Non. Pas Bretto? Marielle. Pas Marielle? Non. Ah, non. Les Jeunes Novices, c'est un film classé X. On continue en 1990 avec le film Uranus. Marielle, pas Marielle. Encore un film X. Non. Juste une fois, pas deux. Hein. Ouais, pas Marielle. Pas Marielle. Pas Marielle non plus. Ouais. Eh bien, attention, la réponse c'était. Ouais, c'était du Marielle, hein, Uranus de Claude Berry. 1965, Les Bons Vivants. Marielle, pas Marielle. Marielle. Allez, Louis de Funès. Ah ouais. Allez, une dernière pour finir. Pétrole. Il y en a marre. Alors, écoute, j'ai envie de dire pas Marielle, mais comme je me trompe à chaque fois, je vais dire Marielle. Pétrole, toi, Bréto. Il y en a marre. Marielle, pas Marielle. Ben. Marielle. Eh ben. Vous avez tous les deux bons. C'était du Marielle, tout ça. Voilà le quiz spécial Marielle. Bien vu, hein, bravo. C'est moi qui ai gagné. Julien a suivi son intuition. Dès qu'il a bonne réponse, il dit l'inverse. Et il a bon. C'est quand même un. C'est fort. Il a des bonnes notes au QCM. Hein, parce qu'il fait ça, ça marche bien dans les QCM. Le quiz spécial Marielle. Alors je ne vous dis que ça. D'ici quelques instants, vous allez me retrouver dans le film. Le film s'appelle Signe extérieur de richesse avec Josiane Balasco, Pierre Brasseur et Jean-Pierre Marielle. Ah ouais, carrément. Ah ouais, mon gars, ouais, vous allez me retrouver avec Jean-Pierre, le grand Jean-Pierre. Avec Jean-Pierre. Le monument du cinéma français. Avec Jean-Pierre. Et oui, et je me suis introduit dans ce film de Jean-Pierre Marielle. Et puis on va repartir avec une petite musique de Nelly Furtado, Turn Off the Light. Ah oui, avec Tourne le bouton. Sur la lumière éteinte. Éteins la lumière. C'est beau. Turn off the light. Turn off the light. I say the girl, you know she. Turn off the light. Évidemment, Nelly sur l'antenne. Turn off the light. Allez, on vous a dit, on a fait un spécial Jean-Pierre Mariel. Et vous le savez, c'est une tradition. Julien, qu'est-ce que je fais avec les films, moi ? Une intrusion. Une... Tu t'appelles Julien, toi, maintenant ? Bah ouais. Bah je m'introduis. Julien ! Julien ! Julien fait grève, alors je vais devoir finir parce qu'on a très peu de temps pour finir. Je m'introduis dans les films. Ouh, c'est pas bien de faire grève. Je m'introduis dans les films. Oui. Et je remplace un personnage. Aujourd'hui, je me suis introduit dans Signe extérieur de richesse avec Josiane Balasco et Pierre Brasseur et le grand Jean-Pierre. Et j'ai parlé avec Jean-Pierre Mariel quand même. Allez, l'intrusion, c'est le petit bonus de cette soirée. Bonjour Jean-Pierre. Tiens, bonjour. J'ai un souci, je me suis fait prendre en excès de vitesse sur l'autoroute avec ton vélo. Tu veux nous faire massacrer ? Tu veux nous faire massacrer ? En plus, avec ta bicyclette, j'ai percuté un camion, je l'ai complètement bousillé. Oh, ça me fait froid dans le dos. Et il y a une gendarmette, une femme qui m'a mis une amende. Une femme en plus, c'est les pires. Comment je vais faire ? Nous allons retrousser nos manches et nous allons remonter la pente petit à petit. C'est bien que tu me dises ça parce que j'ai l'amende et je dois la somme de... 1,3 million. Alors évidemment, c'est cher pour un vélo. Mais quand tu vois l'état du camion, je m'en sors pas trop mal. Regarde l'amende. Conformément à l'article du Code général des impôts, vous disposerez d'un délai de 30 jours pour faire parvenir vos observations. Mais nous nous battrons, et crois-moi, les 13 briques, elles sont pas dans sa poche. Non, attends, pas 13 millions, 1,3 million. Pourquoi tu dis 13 millions ? C'est écrit en nouveau franc, en poète. Quoi ? Heureusement que tu m'as. Mais moi, je les ai pas, les 13 millions. D'ailleurs, les 1,3 million, je les avais pas, mais ça faisait moins d'argent que j'avais pas. Non, mais t'es jamais content, je suis sûr. Quand t'aurais dit 13 millions au début, tu signais tout de suite, non ? Ouais, mais 13 millions pour un vélo, c'est cher. Ce n'est qu'une proposition. Ah. Et nous allons remonter la pente petit à petit. 1 million par-ci. Ah oui, 1 million par-là. Mais où je vais les trouver, moi, les millions ? Je vais devoir travailler si ça continue, et travailler, c'est sûrement dur. C'est pas si simple. C'est spécial. Oh, écoute, Jean-Pierre, on va oublier toutes ces conneries et je t'emmène boire un lait fraise. Barbara, repasse-moi mon costume bleu. Non, mais je te jure, l'administration est tatillonne de nos jours. Mais mon pauvre vieux, si tu les écoutais, il n'y en aurait jamais assez. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Voilà l'intrusion avec mon ami Jean-Pierre. Puisque, ah, c'est magnifique. Voilà l'intrusion de la semaine. Et dans la foulée, c'est la fin de la première partie. Déjà ? Oui, merci Bréto. Ouais, merci. On le sait, Bréto va bientôt aller se coucher. Oh, quel dommage ! Non, mais non, pas tout de suite. Hein. Tu fais la deuxième partie, j'espère. Ouais, une partie, quoi. Vous allez retrouver Bréto dans la deuxième partie, et puis également Julien, et puis Jack, moi-même. Et la surprise, c'était évidemment l'intrusion avec Jean-Pierre Mariel. Ah bon ? Ah oui, c'était ça, la surprise. Ah, quelle surprise ! Au revoir à tous. Merci d'avoir suivi cette première partie. Et pour ceux qui ont la chance de nous retrouver derrière, à tout de suite.